Bonsoir, vous êtes à l'écoute de Fresh Air Community Radio, KFAI, 90.3 FM Minneapolis et 106.7 FM Saint-Paul, Radio sans frontières. You are listening to Fresh Air Community Radio, KFAI, 90.3 FM Minneapolis and 106.7 FM Saint-Paul, Radio without boundaries. And the program we are presenting is Bonjour Minnesota. And bonjour, bonsoir, Caril. Bonsoir, bonsoir, Olaf. Dana. Bonsoir, Olaf. Bonsoir, Dana. Vous avez passé une bonne été? Oui, bah, bon, mais c'est il n'est pas encore fini. C'est, on attend le 21. Le 21, c'est déjà septembre. Il reste encore quelques semaines. Il reste trois semaines. Mais tout le monde pense que c'est à la fin de la foire. Ouais. Ah oui, c'est la fin de l'été. Et aussi, quand c'est la rentrée scolaire aussi, ça fait la fête du travail. Oui, et puis il n'y a plus de maîtres nageurs sur les plages après, non? Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Donc, pour Minnesota, c'est le 4-5 septembre. C'est l'été indien qui commence? Oh, pas. Il faut attendre la première gelée. Gelée, oui. Et après, quand ça fait teindre les feuilles commencent à changer. À changer la couleur. Et oui. C'est ça l'été indien. Ah, d'accord. Enfin, c'est ce que j'ai toujours entendu. Bon, j'ai pensé aux recettes d'été que nous n'avons pas parlé. Et c'est le steak tartare et l'assiette italienne carpaccio, que j'adore aussi. Ah, tu aimes ça? Hein? Ah, j'adore, oui, et le steak tartare. Avez-vous fait de le steak tartare cet été? Non. Toi? Non. Non, mais j'y pensais, je pense que... Ici, c'est très difficile d'avoir un bon steak tartare parce que les gens n'aiment pas manger la viande crue. Oui, il faut connaître une bonne bouchée. Il fait hacher un très bon beefsteak. On préfère ça. Steak tartare. Bon, avec la musique, qu'est-ce qu'on va écouter? Eh bien, on va commencer avec quelque chose de moderne. Cette liste nous vient de RFI, Radio France Internationale. On va écouter d'abord Maya Kamata, Écris-moi. Et ça va être suivi par Camélia Jordana, La fuite. Que je lise entre les lignes, si les mots font des siennes, si les phrases rechignent, le jeu en vaut la chandelle. Quand le désir trépigne d'impatience rebelle et de fautes bénies. Quand la morale s'indigne, que nos prénoms s'épellent en marge des consignes. Envers l'an ou envers entre les lignes, ces mots à l'encre tendre que le désir souligne, le feu en vaut l'étincelle lorsqu'enfin il désigne l'amour accidentel que l'on persiste et signe. Écris-moi de joues, accroche-toi à mes yeux, regarde-moi de trop près pour ne plus voir que moi, arrache-moi à tes yeux, écorche-moi sur ta lèvre, viens marquer sur ma peau le sceau d'un mauvais rêve, dans ta bouche immortelle, je joue à l'hirondelle, éventrée et vautrée dans la cage de tes ailes, si tu tires un peu fort, je te prends, je te mords, je te prendrai la tête pour que tu me répètes, disparais ou reviens, je veux ton va-et-vient, contredit ou maudit, jette-moi de ce lit, si tu touches un peu trop mon envers du décor de ma bouche cisaillée, je t'aimerai un peu plus fort, disparais. disparaît. Et tremble-moi, brûle-moi, tant que j'entendrai ta voix. Celle qui vient, qui se boit, qui se voit les yeux fermés. Réveille-moi dans tes bras, dessine-moi dans ta main. Caresse-moi sous ton drap, invente-moi un écran. Si tu lis comme il faut sur les lignes de ma peau, de mes veines déchiffrées, je saurai t'apprivoiser. Je t'écarte sur un doute, je te crois sur ma route. Toutes les ondes de ton nom se répandent et minutes. Disparais ou reviens, je veux ton va-et-vient. Contredis ou maudis, jette-moi de ce lit. Si tu touches un peu trop mon envers du décor de ma bouche cisaillée, je t'aimerais un peu plus fort. Disparais, disparais. Je te plie, tu me plais, je m'éloigne et je me soigne. Mais ta langue compliquée, je ne la lis que sur tes lèvres. Disparais, disparais. Retourne-moi et ne te retourne pas. Disparais, disparais. Retourne-moi et ne te retourne pas. So we heard Maya Kamata in Écris-moi, and where she sings about Écris-moi à l'envers, écrit. So basically, go ahead and write me. She really needs writing. And the lyrics are somewhat by Rimbaud or a poem that is similar to what she is singing. It's not exactly the poem, but she wants her lover to write her. And that's and she does this very, very convincingly. The next one was Camélia Jordana, La Fuite, and she sings about colors, about how she wants to get out of some situation. And, that's basically what she's doing. And last, Amalia Casada is Disparé, Go Away. And she sings about how difficult it is to be with this person, but so don't come back, she says. But the thing that is striking, these are all very recent songs, tubes. So like from 2015, 14 maybe the oldest, but this is all new stuff. And all three of them, the articulation was extremely well. Oui, c'est bien. Not so there was a period in French music, chansons, where you couldn't understand the thing, where they were just kind of hoarsely. Ne vous inquiétez pas, ça va revenir, ça va être le period grunge. Okay. Ça revient. But yet, now, of course, these are very nice, and the other ones you're going to hear are again about the same kind of style of delivery. Oh oui, je voulais dire aussi que la semaine prochaine, il y a un jour d'écrire les lettres. Alors, qui écrit les lettres maintenant? Presque personne. Moi, des fois. Oh, c'est bien de recevoir une lettre. C'est parfait. Je collectionne le stationnaire. C'est ça, le stationnaire, on dit ça? Non. Les stamps. Les papiers. Les timbres. Moi, j'ai fait la collection des timbres, mais aussi les enveloppes. Ah. J'ai une drôle d'histoire. Il y a un monsieur qui s'appelle, vous connaissez peut-être, monsieur Michel Dovaz. C'est un écrivain sur le vin. Il est un des plus connus. Il écrit pour l'Hachette, le guide des vins. Ah bon, oui. Et il collectionne le vin, il collectionne les châteaux. Et il collectionne les Bugatti, les voitures Bugatti. Il collectionne des voitures. Des châteaux? Les châteaux aussi. Combien il en a? Et une douzaine. Oh mon Dieu! J'ai travaillé avec lui et quand nous faisons les réunions de rédaction pour chaque semaine, parce que je travaille sur un site sur le vin, il envoyait ses courriers, ses lettres avec ses articles pour le vin, mais c'était toujours dans une enveloppe des années 50 ou de... qu'il a sans doute trouvé dans un tiroir, d'un bureau, dans un de ses châteaux. C'était formidable. Mais c'est intéressant, ça. Oui, il était incroyable comme monsieur, mais toujours avec les papiers anciens, mais écrits à la main. On a, ah ben. nous étions obligés de tout retaper à la main. À la machine, oui. Ouais. C'était monsieur Michel Dovaz et ses collections de jolis papiers. Donc, il est spécialiste sur le vin. Mm-hmm. Sur le vin, les Bugatti et les châteaux. Dans cet ordre. Ouais. J'ai encore une ancienne bouteille de 58. C'est un rouge, je ne suis pas exactement sûre. Et je me demande comment ça va, parce que après tant de temps, peut-être c'est du vinaigre. Certains rouges vieillissent très très bien. Tu as des vins rouges qui ont 100 ans, 200 ans. Là, il y a Rothschild qui a des trucs qui sont énormes. Mais il y en a d'autres qui, 20 ans passés, et puis tu ouvres ça. Ça ne semble rien. C'est du vinaigre. Non, oui. Tu peux regarder en ligne. Justement pour les Rothschild pour qui je travaillais. C'est pour ça que Michel Dovaz était engagé dans cette organisation et faisait aussi une collection garde-vin en centre de Paris. On pouvait garder son vin, comme les gens n'ont pas des caves chez eux. Ah bon? Et puis... Avec des conditions parfaites. Parfait, oui. Bon, mais en ligne... 40 degrés Fahrenheit, c'est parfait, non? 40... Ben, c'est un peu froid. Peut-être. 40 Fahrenheit, c'est bien. Ça, c'est chaud. Il faut avoir Nicolas Giraud ici encore pour parler du vin comme il a fait l'autre fois. Oui, il va falloir le contacter parce que là... Ce sera bien si, pourquoi pas. Ou sinon, prends une photo de cette bouteille de vin, comme ça on peut regarder et trouver le prix. C'est plein de poussière. Combien ça vaut. Exactement. Bon, alors maintenant on va écouter Alain Souchon et Laurent Volzy. Ce sont vraiment des copains. Je crois que c'est Volzy qui écrit et Souchon. Ils chantent, mais ici, ils chantent tous les deux. L'oiseau malin, c'est le titre de cette chanson. Et ensuite, ça va être suivi par un artiste appelé Zo, Z-O, les Embarcadères. Et enfin, parce que cette dernière chanson a reçu le prix Georges Moustaki, on va jouer une chanson de Moustaki, qui doit dater des années 60-70, quelque chose comme ça. Le Métèque, c'était une triste chanson. Donc, c'est les Embarcadères qui a reçu le prix Moustaki. Oui. Alors, j'ai joué Moustaki après. Oui, bien sûr. Il vient de nous quitter, il est mort l'année dernière, il me semble, Moustaki. On y voit. Salon protégé pas l'oiseau chanter, pressentant comme un danger. Au travers des voyages, l'odyssée au hasard. Au départ et pour l'heure s'en aller. Regarder les visages, puis emprunter les routes, guetter les villes et traverser les mirages à l'errance qui fait vivre le temps au présent. J'aime les embarcadères, les arrivées, être d'un coup loin. Quand on arrive perdu en sortant du premier train. Oh, oh, j'aime les embarcadères, les arrivées, être d'un coup loin. Quand on part sur la route avec rien, pour demain avec rien. Pour demain. Je cherche ma ville comme d'autres cherchent une île, ou de nuit comme de jour. On disparaît

and Laurent Oisy, who sang Oiseau Malin, the sly bird, or the, yeah, malin. Sneaky, sly. Like a crow. Something. Or yes, exactly. And that's what they sing about. I mean, these, about the sly bird and what this bird does and how it gets kind of clever, too. And advantage over others. And okay, the other one was a group called Zoo, Z-O. I'm not O-O, but only the O. And that was Les Embarcadères. So these are the quays are from where boats take off or where they come, and that's what they sing about. The voyage is going off, and they're coming back. And basically, I mean, they describe the life or what this embarcadère, what this mole or entrance point, what it sees, people coming in and taking off and loving each other, not so much. And that actually had gotten the Prix Georges Moustaki, a important prize for singers in Paris. And so then the next song was a song by Georges Moustaki, Le Métèque. And Le Métèque is kind of a half-breed. Mm-hmm. And so he sings about Avec ma gueule de Métèque, and so on. So with my face of a half-breed. And then, I mean, I'm still my mouth of my lips of a half-breed. But I have kissed women, and I have had fun, and I have eaten well. But he sings slightly melancholic about this life as a half-breed who was often not fully accepted in the society. That he was a great writer also. He wrote this song and many, many other that were so popular. Kind of like a Bob Dylan of French kind music. Of like that, yes. Mm. What do we have? Ma Liberté, don't know if you remember that one. What else is on that album? Well, Le Jeune Facteur is one I like. Yep, that one. Don du rhum à ton âme. That's very... Don du rhum à ton âme. Give rum to your man. Okay, well. I've heard that one before. I can't disagree with that. Gosh, that sounds familiar. It could be any language. This must be a song. What are we having next? Voilà, on a un groupe qui s'appelle Zebda. Ils vont chanter en groupe, en ligue, en procession. Et ça va être suivi par Trio, un groupe bien connu depuis des années, mais c'est une nouvelle enregistrement. Ma petite entreprise. Je pense que ça existe déjà, cette chanson de... Ma petite entreprise connaît pas la crise. It's like, not Johnny, but who's the other guy? Eddie Mitchell? And it was a song that was so popular they used it in a commercial in France for insurance. Yes. Et troisième? Mm-hmm. Thomas Dutronc, Allongé dans l'herbe. Here we go. En ligue, en procession, en bannière, en slip, en veston. Il est temps que je le confesse. À pied, à cheval et en voiture, avec des gros, des petits, des durs. Je suis de ceux qui manifestent avec leur gueule de travers, leur fin de mois qui sonne clair. Les hommes trouvent tous les vices avec leur teint calamiteux, leur fin de mois qui sonne creux. D'autres trouvent que c'est justice. Je suis de ceux que l'on fait taire au nom des libertés dans l'air. Une sorte d'amoraliste, le fossoyeur de nos affaires, le déroulette de l'arrière, le plus complet des défaitistes, l'empêcheur de tuer un rond, perdant avec satisfaction 20 ans de guerre colonialiste. La petite voix qui dit non dès qu'on lui pose une question. Quand elle vient d'un parachutiste. En troupe, en ligue, en procession, depuis 200 générations. Si j'ai souvent commis des fautes, qu'on me donne tort ou raison, de grèves en révolution. Je n'ai fait que penser aux autres, pareil à tous ces compagnons qui te charronnent à la nation. Allons vu défiler paroles, des pèlerines et des bâtons, sans jamais rater l'occasion de se faire casser la gueule. Et puis tout seul à l'occasion, j'en ferai la preuve par quatre. S'il m'arrive, Marie-Jésus, d'en avoir vraiment plein le cul, je continuerai de me battre. On peut me dire sans rémission qu'en groupe, en ligue, en procession, on a l'intelligence bête. Je n'ai qu'une consolation, c'est qu'on peut être seul et con, et que dans ce cas on le reste. KFAI and Ampers will be broadcasting live from the Minnesota State Fair on Monday, September 5th. Tune in to your favorite programs and special live updates throughout the day. KFAI's State Fair live broadcast is brought to you by Mill City Sound, a proud supporter of community radio. Mill City Sound, a new music store at 812 Main Street in Hopkins. Thanks for listening to KFAI, and we'll see you at the Ampers booth in the Education Building at the Minnesota State Fair. Support for KFAI comes from the Electric Fetus, your local record store for over 48 years. Now paying cash for used records in excellent condition. Well, I won't back down. The Electric Fetus, 4th Avenue South at Franklin, or at efetus.com. Ma petite entreprise connaît pas la crise. Épanouie, elle exhibe des trésors satinés, dorés à souhait. J'ordonne une expertise, mais la vérité m'épuise. Inlassablement, on se dévoile. Et mes doigts de palper, palper là cet épiderme qui fait que je me dresse, qui fait que je bosse. Le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi. Une partie de la matinée et les vacances, abstinence. Ma petite entreprise, ma locomotive, avance au mépris des sémaphores, me tire du néant. Qu'importe l'amour, importe, qu'importe l'amour s'exporte. Qu'importe le porte-à-porte en Crimée, au sud de la Birmanie, les lobbies en Libye, au Laos, l'Asie coule à mes oreilles. Ma petite entreprise connaît pas la crise, s'expose au firmament, suggère la reprise, embauche, débauche, inlassablement on se dévoile. Et mes doigts de palper, palper là cet épiderme qui fait que je souque, qui fait que je toque. À chaque palier, escalier C, bâtiment B, à l'orée de ses lèvres. Oh, qu'importe l'amour, importe, qu'importe point les pyramides, les années, mes lubies, là c'est cool à mes oreilles. Ma petite entreprise connaît pas la crise, épanouie elle exhibe des trésors satinés, dorés à souhait. Le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, de l'aube à l'aube. So we heard, first of all, we heard Zebda in en groupe, en ligue, en procession. And so basically what Zebda, the group Zebda, is asking for is get out and march for protesting. And so he talks about, well, we have to get out. They're against colonialism. They're against suppression of indigenous people, and basically what has to be done is get out on foot, on a horse, or on a car, and protest. March. Right. Protest. Many. So that's Zebda. Trio is Ma Petite Entreprise. So he has this little thing going for him, this little business. Entreprises could be a business or some kind of an other enterprise. We don't know exactly what it is. He doesn't give us an exact description. But he says something like he can do this in Laos, in Burma, in all kind of different places. And it's a little enterprise that does not know what a crisis is. And of course, they rhyme, entreprise et crise. So, but basically, so that's a nice enterprise to have, which has no crisis. And I was wrong. It was Alain Bachon who wrote that song, not Eddie Mitchell, the original. And that was used in the year 2000 on a Citroën commercial for utilitarian automobiles. So, I mean, it became engraved in my brain. Well, that's... but sure. I mean, there's no crisis with not for the old Citroëns. There's no crisis. Not in France, They march on. And then the last one is Thomas Dutronc in Allongé dans l'herbe, lying in the grass. And then he of course, sings the advantages of being lying in the grass, looking at the sky, see the clouds passing by, and just having a good, relaxed time in the grass. And everyone else should have something like that. Jacques Dutronc's son, right? Thomas Dutronc, I think that's his son. Jacques Dutronc, I think. Sans doute. Mm-hmm. Alors, ensuite, on va écouter quelqu'un qui a un père célèbre aussi. C'est M. Mm. Alors, lui, il n'a pas voulu être célèbre à cause de son père, parce que M, c'est Mathieu Chédid, et son père est le célèbre chanteur Louis Chédid. Mais différence de chanson, grande différence. M, le jeune, il va chanter dans une sorte de falsetto. C'est bien M. Mm-hmm. Et il va chanter d'abord monde virtuel. Donc, il parle de toutes les machines, etc. Et ensuite, une chanson d'été, le mec à Mac. Tout de suite après ces annonces. Programming on KFAI is supported in part by Summit Brewing, celebrating their 13th anniversary with the Summit Backyard Bash behind the brewery on Saturday, September 10th. Info on musical acts, tickets, and special Metro Transit passes can be found online at summitbrewing.com. Comment faire, comment lui dire, comment lui faire voir ma planète artificielle? Mais comment faire, comment lui dire, comment lui faire croire que je changerai le bleu du ciel? Je vis dans un monde virtuel. Je sais bien que tu finiras par te détendre, toi qui préfères les pieds sur terre. Mais je ne sais pas si tu finiras par te détendre. Dans ta tête, c'est la fête des nerfs. Moi qui vis dans un monde virtuel. Moi qui vis dans un monde. Exploratrice de la troisième dimension. N'ayez pas peur si je me glisse dans votre imagination. Je vis dans un monde virtuel. de la scène. Je dis aime et je le sème sur ma planète. Je dis aime comme un emblème. La haine, je la jette. Je dis pour l'avant, je dis aime. Hey. Pour le dehors, le dedans, pour l'après, pour l'avant. sommeil j'écrase ces malheureux non-dits. Oh, Dalaf, les mardis tranquilles, je me déguise en loukoum géant sur un tapis volant. Au volant velu d'un tapis volant. Vous êtes à l'écoute de Fresh Air Radio Communautaire KFAI 90.3 FM, Minneapolis et 106.7 FM Saint-Paul, Radio Sans Frontières. You are listening to Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM Minneapolis and 106.7 FM Saint-Paul, Radio Without Boundaries. And the show you're listening to is Bonjour Minnesota, and it is now exactly 21 hours, 9 o'clock, Central, what, Central Standard Time? Mm-hmm. 4 o'clock. Central Daylight Time Central, still. Oh, sorry, Central Daylight Time, yes, mm-hmm. still. And in Paris, it is 4 o'clock in the morning. 4 heures du matin. 4 heures du matin, oui. Ben, il y a toujours du monde. Mm-hmm. Sauf boîtes. Le métro ne marche pas. Très bien. Et les poubelles, les camions poubelles vont oui. bientôt être sortis. Il y a des chats qui miaulent dans les allées. Miaou! Qu'est-ce que c'est? Il y a c'est, ceux qui rentrent un peu bétrouille, dans les, un peu en branlant. Il y a un bar qui s'appelle les Oiseaux du Marais qui est encore ouvert, que je connais très bien. Et des boîtes de nuit, les boîtes de nuit qui sont toujours ouvertes jusqu'à le matin. Et puis on prend un café au rhum pour se un peu défaire. Mais là, une de nos prochaines chansons va justement traiter de ça. Donc je vais pas parler trop de... Pas nous dire. C'est oui. lequel? Bon, qu'est-ce qu'on va écouter? Ben maintenant, on commence avec... dans une autre direction. On, va écouter une artiste qui s'appelle Vinchard, qui chante des étincelles de l'album qui dit mieux. Et oui, ça va être suivi par Tom Poisson. I haven't back announced yet. Oh, qu'est-ce qu'on a écouté? On a avant, écouté, c'était mais quoi, oui, ça? Parce que c'était vraiment très intéressant. That falsetto, what was that falsetto? We heard Mathieu Chedid, who goes under the name M, three songs by him. The first one, Monde Virtuel. The second one was J'aime. The second was... Je dis M. Sort of a play on words. And there. The third one was Le Mec Amac. So the first one, Monde Virtuel, talks about how he is trying to communicate to his whomever he's talking to that he's actually into virtual worlds. And this is actually a pretty, what should I say, theme that is going on now. You can see on TV, you can see people with these kind of large. Kind of 3D glasses. 3D things, and they mm-hmm. live a virtual life. So he sings about the virtual life that you that is being lived, and you see that I'm living in a virtual life, and so don't get upset. It's very interesting. The next one, which was Je dis aime. And that's kind of a word on play on word. Je dis aime, I love. I say love, but then she doesn't like. He doesn't like letters. But he then also sings je dis aime the letter his name. M. And je dis, so it's kind of a funny little ditty on words. He does that all the way through. He plays on words. And then the last one is le mec amac, means. It's also this the rhythm of it and the words. Le Mekamak is the guy who is actually sitting or lying in a hammock, and the Mek is kind of slightly slang for a guy. A guy, yeah. I mean, that's to be polite. And so he sings then about the Mekonamak. And in the end, he is lying there like a locum, like a blob of Greek. Locum. Turkish delight. Turkish delight. Yes, that's it. Yeah. So it's this is a but big that's blob the, on his hammock. Yeah, but this is the hallmark of Mathieu Chedid. I mean, he has a lot of songs like that play on this kind of words and so on. He's really quite clever. Yeah. It's clever, yes. Brilliant. Strange outfits he wears. He kind of reminds me. Wearing capes on his album cover. Yeah, like Robert Smith from The Cure, like a 1980s special character. He's his own person with such style, and he's got that falsetto that's like Freddie Mercury of Queen. He just goes, it's amazing. Thank God for M. What do we have next? Eh bien, comme je dis, il y a Vincent qui chante, et suivi par Tom Poisson, le type en pyjama. J'aime bien le titre. Un troisième? Pourquoi pas? Thomas Dutronc. Et Jacques Dutronc, c'est le père et le fils? Ah oui. Sans doute. Je ne suis personne. On y va. Oh. 11h du matin, je me réveille tranquille. Et je me dis que je ferais bien un bon single. Sur ma guitare, je plaque quelques accords subtils qui font. And I'ma do it like this. Une rythmique pas trop violente, car j'ai mal à la tête. C'est tellement fatigant de faire la fête. J'aimerais bien écrire un texte profond et fédérateur, mais sur ma feuille y'a 4 lettres et j'ai fait des ratures. Je cherche des gimmicks sur YouTube. Je termine sur une conférence de Serge Ayoub. Je me tape tous les commentaires de pages de gala. Beyoncé, Hollande, Gaillet, Obama. Obama, je m'en fous. Oh, j'ai de mots trop gravé. Oh, c'est pas grave, je le garde et je le mets dans mon cahier. J'assume mon côté meuf, je regarde des vidéos de chat. Puis j'assume mon côté beauf, je mate des bastons de Kaira. Je me verrais bien brûler les planches, incendier des grandes scènes dans le cœur des fans, faire des flammes. Je me verrais bien brûler mon temps en chanteur ultra benzène, mais j'ai la flemme. Je me verrais bien brûler les planches, incendier des grandes scènes dans le cœur des fans, faire des flammes. Je me verrais bien brûler mon temps en chanteur ultra benzène, mais j'ai la flemme. Je fais que des étincelles. Des étincelles. Ouais, je fais que des étincelles. Like 14h du matin, j'écris 2 rimes. 1, 2. Je cherche un bon refrain pour exciter les gamins et les gamines. Tu m'as saoulé. Je me dis que j'ai bien mérité une sieste. Le sommeil porte conseil, il paraît. Et puis je pars sur la terrasse fumer un gros pet. De toute façon, les gens écoutent jamais les couplets. Qui a dit que la drogue ça aidait à écrire? Il est 15h, moi j'ai juste envie de redormir. Mais y'a le producteur qui m'appelle et qui me saoule. Il veut un tube rap rock R&B soul. Ouais, c'est Jerem, j'ai écouté ce que tu m'as envoyé là. Alors c'est sympa, mais les scratchs, c'est complètement... Je me verrais bien brûler les planches, incendier des grandes scènes, dans le cœur des fans, faire des flammes. Je me verrais bien brûler mon temps, en chanteur ultra benzène, mais j'ai la flemme. Je me verrais bien brûler les planches, incendier des grandes scènes, dans le cœur des fans, faire des flammes. Je me verrais bien brûler mon temps, en chanteur ultra benzène, mais j'ai la flemme. Je fais que des étincelles. Des étincelles. Ouais, des étincelles. Dis- 18h du matin. J'ai donc une demi-heure pour me doucher, ranger, laver et finir mon single. Sinon ça va barder. Et elle va encore me traiter d'intermittent, feignant, qui pense qu'à sa gueule. C'est pas de la flemme, c'est de l'art. Mais des fois ça se mélange. Je suis pas artiste, juste un bout de bois qu'elle montait sur des planches. De façon, je le sais, je finirais sûrement serveur dans un bar. Mais j'aurais fait des étincelles le temps de quelques soirs. J'ai déjeuné avec François, je suis rentré avec Martine. J'ai fait la cuisine avec Fred, je suis tombé sur Alexandrine. J'ai cassé la gueule à Christian, je m'en suis voulu immédiatement. J'ai fumé une clope à la belle avec Hugo et Isabelle. Tous ces prénoms, je voudrais les serrer contre moi. Tous en même temps pour tout garder. Mais y'en a un, je m'en rappelle pas. C'est celui de ce type en pyjama au bar du Concorde Opéra. Jean-Pierre, Jean-Claude. J'ai écouté Stevie Wonder avec Patricia à Honfleur. Une fois j'ai embrassé ta sœur, je t'ai rien dit car j'ai eu peur. J'ai chanté avec Jérémy, j'ai couché avec Émilie. J'ai tout partagé avec Claire, le moins possible avec Robert. Tous ces prénoms, je voudrais les serrer contre moi. Tous en même temps pour tout garder. Mais y'en a un, je m'en rappelle pas. C'est celui de ce type en pyjama au bar du Concorde Opéra. Bon, il était sympa. Il était 4h du matin. On a parlé de la vie en buvant au whisky. Il avait l'air triste. Voilà. Je ne suis qu'un homme. Je ne sais rien. Je n'en pense pas un. J'ai dit je t'aime. J'ai dit amen. J'ai vu la terre. Je préfère me taire. Mes souvenirs. Chemin. éternel jusqu'à So first we heard Vincha in Des Étincelles, The Sparks. And basically what he sings about all the things he wants to do. I mean, he wants to become a famous writer. He wants to sing in various interesting groups. He wants to write his story, but it always somehow or other, he doesn't get there because he's a little bit too lazy, she says. So what he needs is a spark, but the spark doesn't seem to come very easily. The next one was Tom Poisson, Le Type en Pyjama, and he sings about, he starts out, he goes to cinema with Claire, and then he brings Louise back to home. He makes dinner with someone else. I mean, I can't remember all of the girls' names, and then but he eats out or drinks with. So it's a constant change of. He starts out with something and one lady, and then he ends up with another one, and player. The very interesting thing is that what he bothers him, he has been. On the Place de Concorde, but he sees a man, a type, in pajamas, crossing the street, between the clue, between the stripes. I mean the passage for pedestrians, piéton. For piéton passage. Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. Okay, and then the next one is actually a song, Je ne suis personne. I'm not. I'm nobody. I'm nobody. But I still am a man, and then they go into. But this is interesting. It's Thomas Dutron and Jacques Dutron, who is his father. And do you know who his mother is? Françoise Hardy. Françoise Hardy, oui. So, yeah, it's, I do know. Don't stop me scores, today. Scores 100. So, I mean, I didn't know that, so I read it. But so then this is a very interesting song about, well, I mean, what they do, and it's very well delivered. I mean, this is orchestration and voice was absolutely outstanding. I think it's often that way in families. The voices blend because there's that family connection. And yes, and one has heard the other for a long time. I wonder if we can find my favorite song of all time, Françoise Hardy. Oh. Ooh. Well, everybody knows this one. Let's see if we can play it. Here we go. Let's take a petit détour with Françoise Hardy, Le Temps de l'Amour. Support for KFAI comes from The Electric Fetus, your local record store for over 48 years. Now paying cash for used records in excellent condition. The Electric Fetus, 4th Avenue South at Franklin or at efetus.com. It's time to give. Supporting KFAI is easy, affordable, and it ensures that we will stay on the air and in touch with our community. This is station manager Leah Honsky saying thank you for continuing to support community radio in the Twin Cities and around the world thanks to our mobile app and website. Donate today at kfai.org. So we had the whole family. first we had Thomas and Jacques Dutronc, and now we have his wife and Thomas' mother. Françoise Hardy in Le Temps d'Amour, and it's a very lovely song about how this is in your 20s when you're in love and everything looks so nice, you're on top of the world even if you have some adversities to come over, but this is the time you have you're with your buddies, that's the time that you will remember ever, because it was such a great time and such a great experience. Mm-hmm. That was wonderful. Before that, we had, of course, Thomas Dutronc and Jacques Dutronc. What do we have next? Oh, l'Alliance Française has cool events coming up. Okay, go ahead, because my computer ne marchait pas. Ne marchait pas, l'ordinateur. L'ordinateur, yes. Fall classes are starting on September 12th, and you can go to the website afmsp.org to find out about all of the French classes for every level of learner. But if you would like to just parler en français et boire du vin et faire de la peinture, there's soirée peinture et vin, an evening of painting and wine with Jeune Cadre Dynamique. That's the young professional group. And it just, there's a fee, but it's an opportunity to create a French-themed painting while enjoying wine and cheese. That is on Friday night from 6:30 to 8:30 at the Alliance. Saturday morning is le petit déj. Mm. Vous allez? Mm. Peut-être, je ne oui. sais pas. Je vais peut-être y aller. C'est 9h, je pense. 9h à 11h. Un truc comme ça, à 11h. Oh, c'est bien amusant. Oui. Il y a toujours des gens intéressants chaque fois que j'y vais. Mm. There's always new people there. You never know who you're going to run into at the Alliance Française Saturday morning. Petit déj, it's free coffee and bread from Breadsmith, and a great opportunity to speak French, meet people in town who are interested in international things, and that is Saturday morning. Once a month. Mm, yep, once there a month. There are many places you can meet French speakers all over. Many conversation groups that meet. Saturday morning is that Espresso Royale. Then also that Petit Déj is taking place in Rochester as well for our listeners online. Oh. Aperitif en Français at the University Club is the second Thursday of the month from 6 to 7:30. That's an opportunity, again, just French conversation. And there's some very interesting people there. And Nina's Cafe, Monday nights at 6:30, another free opportunity to speak French. Where is Nina's? I don't know. Selby and something right across from W.A. Frost. Oh, yeah. Mm-hmm. Which is the best terrace here in town. Have you been to their terrace in the summertime, their patio out back? I think that's the best patio in town. Where's that? Oh, W.A. Frost. Yeah. Oh, Frost. Oh, yes. It's beautiful. It's kind of like the Loring used to be. Well, Lurcat, remember the Loring used to be a great place? I don't know. Anyways, playing favorites here. Okay, fall open house, September 10th, taking place, it says, take a trip to France by visiting the Alliance Française Saturday, September 10th from 12 to 3 p.m. and discover what the Alliance has to offer. There'll be children's games, the French class list coming up, and all the great reasons why to join to Alliance, which is the DVD library, the book library, resources, discounts to so many concerts and stuff. Mm-hmm. Just great things. When is that open house? 10th. The 10th. So 1 week from Saturday. Oh, okay. So I have a couple of announcements here about Dan Newton. He is going to be here in concert at the Dakota Jazz Club on Thursday, September 29th at 7 p.m. And you spoke to him, didn't you, Olaf? Yeah, and we hope to get him to for an interview here. And that's the 29th, of course, is they are promoting their new CD. Yes, but we've played something, and I mean, it's not too late, not too early to actually talk about it, because he and his group are very staunch members of multilingual. Yes. The multilingual community. Last week I played Je cherche après Titine avec en français vraiment bien. Sans doute Eric. Sans doute Eric Mouring, oui, c'est lui qui. And we'll play a sign off number of one of Dan Newton. And so that again is coming up on September 29th, Thursday, 7 p.m., Dakota Jazz Club. 1010 Nicollet Avenue. And usually they are actually playing at the Pasta Bar, Loring Pasta Bar. Loring Pasta Bar. Right now, I mean, at this time of the day. And when we are hope to get them, this will be the last part of the show, because they stop at 9:30 or so, something like this. Another announcement for those of you that are planning to go to the fair, the KFAI will be there. Monday, September 5th. Is that Labor Day? I do believe so. Yes. From noon to 3 p.m., 3 p.m. to 6 p.m. Well, it's all from noon on down. And I'm not really sure where they are. I think I heard something about Ampers on that announcement. Right, in the education building. Education building, uh-huh. So stop by and see your favorite DJs. Mm-hmm. What do we have next? Bon, alors, j'aime bien les disques que tu as choisis, Ola. Mm-hmm. Et maintenant, on va écouter un groupe qui s'appelle Pain Noir, qui chante une chanson qui s'appelle Stern. Stern, oui. Je ne sais pas exactement ce que c'est. Et ça va être suivi par Nord, encore un groupe. L'amour s'en va. Et le troisième, Nicolas Michaud, croire en ma chance. Midi, un midi, assis là, dans un cercle à peine brisé, par quelques mots fuyants, par le feu écrasant d'un rayon de soleil qui dessous les persiennes vient te frapper dedans. Le cœur à peine vidé, le sourire innocent et l'air un peu gêné de tous ceux qui reprennent le cours un peu faussé d'une vie en suspens. Et soudain, c'est un bris, c'est un claquement sec, c'est un fil rompu dans un instant. C'est une sterne, un oiseau qui n'est pas de nos contrées, qui est venu s'écraser à ta vitre ce matin, nous rappelant que quelqu'un a bientôt nous quitter. Nous nous sommes serrés et j'ai effleuré ta main. À ta vitre ce matin, nous rappelons que quelqu'un allait bientôt nous quitter. Nous nous sommes serrés et j'ai effleuré ta main. Quand une sterne, un oiseau qui n'est pas de nos contrées, est venu s'écraser à ta vitre ce matin, nous rappelons que quelqu'un allait bientôt nous quitter. Nous nous sommes regardés et j'ai embrassé ta main. J'ai embrassé ta main.

quelque chose pour quelqu'un. Je suis descendu au paquet d'acheter un paquet de clopes, mais je suis jamais revenu. J'ai traversé la rue, j'ai taxé un taxi et je suis jamais revenu. Crois en ma chance, crois en nos erreurs infaillibles. Quelle insolence, vouloir vaincre toutes ces choses invincibles. Oh, sweet home, dans une j'ai descendu au paquet d'acheter un paquet de clopes, mais je suis jamais revenu. J'ai traversé la rue, j'ai taxé un taxi, et je suis jamais revenu. Sa chance, mourir en drapeau blanc dans la main. Quelle élégance que de croire en l'amour de son prochain. So we have heard three songs. Again, in this new list by RFI, Radio Française Internationale, Pain Noir is the group, Stern, and neither the name of the group, Black Bread or Dark Bread or Stern, means anything to me. But it's some kind of a commentary on social conditions. The heart smiles but things are not as good as they seem to be, etc., etc. The next one was Nord, L'amour s'en va, and so that's more intelligible in the sense that he sings about love just fades away, your love, my love, and part without rancor, but I mean it's just now that's the way it is. I mean it just fades away. We have had enough. And the last one is Nicolas Michaud, Croire en ma chance, which is a song about how he hopes to have, he believes that he still has a possibility in life as well as in love. And that actually brings me to a book, il y a un livre important que m'est parvenu de Paris, Triste Amérique, le vrai visage des États-Unis, un livre de Michel Floquet, reporter de TF1, vient de paraître dans les éditions Les Arènes à Paris. Ce livre traite l'écart entre l'Amérique du rêve américain et la réalité de l'Amérique d'aujourd'hui. En premier lieu, l'idée du rêve américain reconnaît l'esprit américain dans tout ce qu'il y a de créatif, d'encourageant, cet esprit qui mène à cette idée qu'on est libre de profiter des opportunités illimitées offertes par cette démocratie américaine, tant admirée par de Tocqueville il y a un siècle et demi. Par contre, la réalité des États-Unis aujourd'hui contredit l'Amérique mythique par son inégalité, son injustice, son racisme, sa violence, son système électoral en panne. Tout cela nous ramène au commun dénominateur, la cupidité endémique. Oh, dis donc, c'est pas flatteur. L'importance de ce livre réside dans le fait qu'il résume la situation en 15 chapitres, mais surtout en ce sens qu'il nous présente un point de vue et une perspective de l'extérieur, un point de vue européen, voire français, Tout cela peut donner à penser aux lecteurs américains, surtout pendant cette période électorale. Mais pour attendre un plus grand public, je vais résumer la discussion en anglais. An important analysis of the present United States of America has recently come out in France. Triste Amérique, le vrai visage des États-Unis. Pitiful America, the true face of the United States, by Michel Floquet. Published by a progressive publishing house, Les Arènes, the book provides a critical analysis of the present state of the U.S. without sliding into gloating, self-congratulatory, Eurocentric criticism, which often is launched from the other side of the Atlantic. Most of the facts presented in the 15 chapters are not new to the American reader, and have also been presented in single thematic publications by American authors, such as Naomi Klein, Seymour Hersh, Amy Goodman, Michael Moore, and others. The importance of Floquet's work is that his criticism is underlain by a genuine concern for the future of America, its ideals, and its role in the future world politics. In that, he follows the spirit of de Tocqueville in Democracy in America. The other important aspect of this book is that it presents a view from outside America and acquaints readers with the perspective of opinion, understanding of the American situation by Europeans, in this case, mainly by the French. To look into a mirror presented by an outsider is, of course, instructive and may encourage the to reevaluate ingrained concepts. It's especially important in this pre-election period where slogans are thrown around in all and from all directions. The 15 chapters deal with the situation of the rich and poor, happiness for the rich, no pity for the poor, with the economics of poverty and racial discrimination in the largest prison system of the world. Race relations are addressed in chapters such as Wounded Knee for Sale, Living Together, Gun Violence and Death in a Project, and the Ferguson Syndrome. The role of greed in environmental and public health sectors is shown in Raising the Appalachians and the Jungle, attempts to curtail the freedom of the press in Big Brother, the increasing influence of fundamentalist doctrine in politics and administration for the grace of God, U.S. role in global policing, the endless war, where the military budget divorces half of the national budget, which is more than the total national budget of France. The end of democracy deals with the electoral process, hard to understand for Europeans, the corruptible influence of money, and the rules that essentially eliminate a third or multiple representative party to participate where two parties spend vast amounts of money, $7 billion for the present electoral campaign. I want to say yes, but on that, because these things have always existed in the United States. Yeah, but maybe. Well, I don't know. I think this is a situation here where you could say that isn't completely true. It is, but then it isn't. Well, I mean, those things are, but I think the majority of Americans are trying to correct this. Well, yes, but that then the two parties have this. Well, excuse me for interrupting, but so he talks about $7 billion, whereas Sarkozy and Hollande spent maybe something like 40 million francs, I mean, not francs, euros, which is maybe 50 million. So this discrepancy of the influence of money is something the Europeans are very much interested in. And but then also he says he critically assesses the role of President Obama in a chapter called 8 Years for Nothing. And he is very critical because the French had put so much hope in the beginning of his term and mm-hmm. then were not, this, it didn't come out. Whatever the reasons are and how much you can possibly blame him. But I mean, that's what Europeans think. But then the last chapter is the America of the Donald. Oh, well. And this is based, on the first few months of the primary campaign, because the book only came out in March or so, and it's obviously not up to date, but it's still scary enough for Europeans. And what he stresses in his book is that of the two Americas, the one defined by the American dream, freedom, equal opportunities, unparalleled cultural and scientific achievements, and so much admired by the world, has been devoured by the other United States and America made dysfunctional by greed, segregation, inequality, injustice based on race and poverty, difficult access to education, healthcare, and social services. And those are things that the Europeans are it's simply they don't understand this absence of these services. Safety net. It's like a safety net. Yes, services. Exactly. Well, you must say now with the Obamacare that there's millions of people that have insurance that never did. But I mean, this is after years of trying to get in. I know, it is. And it wasn't done completely as desired, but it's a start. Oh, yes. But We have an announcement. Before we go back to the announcement, what was the title of this book again? The book was called Triste Amérique. Sad America. Le vrai visage des États-Unis, this pitiful America, the true image. The true face of America, of the United States. Has this been translated into English? Who's this? Oh. Well, it hasn't been translated yet. So it's Pitiful America, The True Face of the United States. Who's the author? Michael Floquet. And He is the representative of TV1. That's the French television channel. Wow. Channel. Hang on one sec. We're going to have an announcement. We'll be right back. The Internet Geeks at IP House are proud supporters of KFAI Community Radio. IP House provides internet hosting and access for your community, large or small. More information is available at iphouse.com. Programming is supported by AMFERS and the Minnesota Arts and Cultural Heritage Fund, providing programming for music lovers at AMFERS.org. AMFERS features hundreds of performances by Minnesota jazz, rock, Americana, and classical acts. Information and audio at AMFERS.org. AMFERS, diverse radio for Minnesota's communities. That has come out in Paris. We're talking about a book that has come out in Paris by Michel Floquet. Triste Amérique, le vrai visage des États-Unis, Pitiful America, the real face of America. And basically, I mean, you see, there even discussion was generated here right in the studio. But the harsh, and especially the harsh judgment of the author is expressed in his prologue. America had everything going for it, a virgin continent, unheard of natural resources. But the country is built on genocide of the Indians, institution of slavery, and the devastation of the environment. On this basis was built the richest country on earth. However, it could not transform the new world, Nouveau Monde, into a universal new world, Monde Nouveau. This is a French play of word. When New World, Nouveau Monde, has one meaning, like the new world, and Monde Nouveau means the entire world, the globe, or something like this. Anyway, so and he says that the illusion of the new world has persisted for a long time. Everyone adored America and its creative power and spirit, and today the empire is in disrepair, stumbles over ancient demons, and so it's but. Floquet's criticism is not idle sensationalism, but it's informed by a genuine concern about the future of America and the promise and its ideals. So that's basically what he says. And he is a author of several other books on war. He has been to all of the theaters of operation recently in the Near East. So the a guy is not, this is not some, as I mentioned earlier, this is not some kind of an idle, just criticism that many Eurocentric people are just kind of falling into, and it's chic to criticize America. This is something he is concerned about it, and though it's harsh, it's not, what should I say, it doesn't sound very friendly, but it isn't unfriendly. Not critical. I mean, it's an honest criticism. It's an honest criticism, yes. That's, I think, the best. Heaven knows we do have problems. Right. Yes, right. Everyone knows that. Constructive criticism. Yes. I would love that. So this book would be something, would be a book that especially the listeners to KFAI who are politically concerned and active and interested. It's something that might be of interest for them. Well, definitely. We'll share that on our Facebook page, the title, and maybe you'll be able to order it online. I try to find out how they can get it. I'll find out more. You can practically order it from France. Right. But I'll give more on the Facebook. We'll get more information. All right. Shall we have a couple more songs? Bien I think sûr. We have one more on the playlist, and then let's have a little instrumental at the end, right? Donc, maintenant, on a... Je suis un garçon sensible. Mm-hmm. Philippe, Catherine, Natalia, Moscou. C'est deux personnes? Oui. Philippe, Catherine et Natalia. Featuring Philippe, Catherine et Natalia. C'est Moscou. Moscou. Yeah. Alors, je suis un garçon sensible. Un seul? Et puis après, Nostalgique, non? De Dan Newton. Oui, et pour finir, on va jouer Dan Newton. Dan Newton, oui. On y va. Ma vertu âme seule.